Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Je suis allé dans les jardins et j'ai vu des enfants qui jouaient comme des grands, qui jouaient comme des grands, qui jouaient comme des grands. Les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, les enfants comme des grands, comme des grands, comme des grands. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Plante un rêve dans les jardins de l'imagination. Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands? Pourquoi puis-je dire que c'était comme des grands qu'ils jouaient? Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands? Pourquoi puis-je dire que c'était comme des enfants? Que c'était comme des enfants? Que c'était comme des grands, ces enfants? Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands? Car c'était peut-être des adultes avec des déguisements d'enfants, des petits adultes qui faisaient jeunes. Qui jouaient là dans les jardins de l'imagination? Est-ce qu'ils plantaient des rêves aussi? Est-ce qu'ils plantaient des carottes ou des radis? Est-ce qu'ils plantaient des rêves aussi? Les enfants qui jouaient comme des grands. Rêve aussi. Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands? Rêve aussi. Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands? Que faisaient-ils les enfants qui jouaient comme des grands?